L'histoire n'est pas une nostalgie, mais c'est un tremplin nécessaire pour l'avenir. Ferdinand Buisson, père de l'école laïque. Sois assez fort pour te rendre nécessaire par la valeur de ton enseignement et pour te rendre inattaquable par ta conduite irréprochable. Tu as avec toi la République. C'est bien de proclamer la République tous les quatre matins, encore faut-il que nous devenions républicains individuellement dans notre comportement moral, ainsi parlait Ferdinand Buisson. Ferdinand Buisson, 1841-1932. Directeur quasi perpétuel de l'enseignement primaire sous Jules Ferry et bien au-delà, il fut le grand entrepreneur du chantier laïque de la Troisième République. Il rêvait d'une école où, à l'exemple de l'instituteur, esprit libre, répondrait en écho l'élève, devenu lui aussi une individualité pensante et qui rayonnerait à son tour. « Va, petit missionnaire de l'école laïque, disait-il, rapporte à tes parents tes cahiers, tes livres, tes images et les beaux récits d'histoire et de morale que tu auras entendus du maître. » Buisson et toute une équipe de collaborateurs, il croyait à l'intelligence collective, rédigea un immense dictionnaire de pédagogie qui fut, au foyer d'instituteurs, ce qu'était le petit Larousse au foyer ordinaire. Une cathédrale de la laïcité, dit Pierre Nora, qui inclut ses quatre forts volumes dans ses lieux de mémoire de la France. Dans la pratique, Buisson imagine une laïcité qui irradierait plutôt qu'elle ne s'imposerait par la puissance, de même que, dans sa philosophie, telle qu'elle apparaît dans ce dictionnaire, il ne prêche pas l'exclusive. La première édition, 82-87, donne une grande place à Dieu, à l'élan de l'âme vers Dieu, à la prière. Alors ceux qui confondent aujourd'hui la laïcité avec l'agnosticisme tranquille ou l'athéisme militant seraient surpris s'ils remontaient à cette source. L'Église catholique, d'ailleurs, ne s'y trompait pas, qui soupçonnait Buisson de vouloir remplacer son enseignement par une spiritualité autre, fondée sur la libre pensée, mais une libre pensée religieuse. La marche de l'histoire, Jean Lebrun, sur France Inter. En compagnie de Patrick Cabanel, bonjour. Bonjour. Historien du protestantisme, votre dernier livre, Les protestants et la résistance, vous publiez chez Labor et Fides, c'est peut-être une maison un peu protestante. Oui, de Genève. Ferdinand Buisson, père de l'école laïque. Oui, Vincent Peillon, on va le citer peut-être de temps en temps dans cette émission, oui. Dit Ferdinand Buisson, il était à la fois pédagogue, philosophe, républicain, homme politique et protestant. Tout ça tout à la fois. Enfin, quand on vous lit, on a quand même l'impression qu'il était d'abord chronologiquement protestant. Mais pas un protestant comme vous, parce que vous êtes du genre huguenot, assez courant en France, la maison dans les Cévennes qu'on reconstruit. Lui, c'était pas ça. Non, les huguenots, ce sont les héritiers d'une histoire séculaire. Buisson, curieusement, est le fils de convertis d'une région, la Picardie, qui n'avait pas d'ailleurs de vraie tradition protestante et qui a été marquée au XIXe siècle par ce qu'on appelle le réveil, dans des mouvements d'évangélisation. Et il semble que la famille paternelle de Buisson était touchée par des colporteurs évangéliques. Des colporteurs qui distribuaient la bonne nouvelle de ferme en ferme, de village en village. Et donc c'est le fruit d'une conversion, et lui-même, jeune, a été un protestant de ce qu'on appellerait aujourd'hui un orthodoxe, c'est-à-dire vraiment une foi profonde, militante, et ensuite très vite, comme beaucoup dans sa génération, il a basculé vers un protestantisme très libéral qu'il a en quelque sorte ouvert à la République. À Tours-la-Ville, c'est dans la Manche, il y a un club de loisirs dont un des membres a mis sur le net une autobiographie à sa façon de Ferdinand Buisson. Ça fait un peu vite saint, mais vous n'êtes pas contre les vite saints, non, protestant. La République laïque a eu ses vite saints. Je suis né en 1841 à Paris, dans une famille protestante et austère. J'étudie en province, au gré des mutations administratives de mon père. Il est magistrat. Mais il meurt jeune. Ma mère, mon frère et moi revenons à Paris. J'ai alors 16 ans. Je continue mes études tout en donnant des cours pour subvenir aux besoins de ma famille. Je fréquente le lycée Condorcet puis la Sorbonne. J'obtiens mon diplôme d'agrégé de philosophie. Me voici professeur. Fervent républicain, Je refuse de prêter serment à l'empereur Napoléon III. Je suis interdit d'exercer en France. Je m'exile en Suisse. J'enseigne à l'université de Neuchâtel de 1866 à 1870. Alors qu'il est enseigné à l'université de Neuchâtel à ses débuts, un peu comme Vincent Peillon sur leur tour, c'est exact. Il y a quand même une modification d'importance que vous apporteriez. S'il est allé en Suisse, ce futur saint laïc, c'était pas pour ne pas prêter serment à Napoléon III. Absolument, il n'est pas un exilé. Il y a une sorte de légende républicaine qui a été construite autour de lui et qu'il a laissé en quelque sorte s'insister, se bâtir. C'est un jeune homme qui choisit une opportunité de carrière déjà dans une forme de mondialisation universitaire et qui va prendre un poste. Il n'est absolument pas un exil, il n'est absolument pas interdit d'enseigner en France. Il va d'ailleurs revenir en France passer 2 ans après son exil supposé, l'agrégation de philosophie qui réussit brillamment. Donc voilà, en revanche, en Suisse, il sera proche des vrais exilés républicains, ceux du coup d'État, et spécialement proche du maître à penser de sa génération, Edgar Quinet. C'est un homme qui garde des fidélités. Alors, quand Quinet mourra, la veuve de Quinet sera dans l'entourage de Buisson. Oui, c'est l'homme des fidélités à Quinet, à Castellion, dont on parlera peut-être. Alors, Castellion. Point d'interrogation. Ben oui, non loin de Neuchâtel, Genève, où Calvin, au XVIe siècle, a établi sa république. Et cette république, elle était marquée par un souci d'ordre. On va entendre ici quelques-unes des mesures que le consistoire de Calvin pouvait prendre face à des contrevenants. Et ensuite, la protestation contre Calvin, et le texte que vous entendrez, c'est justement un texte de Castellion. Séance du consistoire du jeudi 19 mars 1546. Antoine Simon, tondeur, pour être sorti du temple sans attendre la fin du sermon. 3 sous d'amende. Jean Tissier, meunier. Le consistoire demandera au conseil de vous punir de 5 jours de prison. Jeanne Bergeon, demeurant rue du Four, pour avoir prié la Vierge. Vous serez exclu de la scène. Jusqu'à ce que vous soyez instruite de la vraie foi. En attendant, vous viendrez à tous les sermons. Interdit, interdit, interdit. On n'entend plus que cet horrible mot. Et l'on se demande avec stupéfaction ce qui, après tant d'interdictions, peut bien être encore permis aux bourgeois de Genève. Pas grand-chose. Il est permis d'exister, de mourir, de travailler, d'obéir et d'aller à l'église. Ou plus exactement, cette dernière autorisation n'en est pas une. C'est une obligation légale imposée sous peine des plus graves châtiments. Impitoyablement se poursuit le cycle du devoir encore et toujours. Après le dur service pour le pain quotidien, le service pour Dieu. La semaine pour le travail, le dimanche pour l'Église. C'est ainsi et seulement ainsi que l'on pourra tuer Satan dans l'homme. Donc les extraits d'une pièce de la radio suisse romande François Rochet et protestant contre le protestantisme des interdits, un texte de Castellion, l'objet de 30 ans de travaux de Ferdinand Buisson qui va en faire une thèse. Oui, Buisson a fait une thèse d'histoire, inscrite en 1865, il était jeune homme qui soutient, alors qu'il est le tout-puissant directeur d'enseignement primaire en 1891, et ce qui attire chez Buisson Castellion, c'est qu'il est à ses yeux le fondateur du protestantisme libéral, du libéralisme en religion, il est l'adversaire de Calvin, il a pris parti contre Calvin au moment de l'affaire Servet, qui est évidemment la tâche indélébile sur la mémoire de Calvin. Servet a été brûlé. Voilà, brûlé pour ses idées. Et Castellion, on a redécouvert récemment une de ses phrases qui est d'une modernité absolue, qui consiste à dire « Brûler un homme, ce n'est pas combattre une idée ou une erreur théologique, c'est brûler un homme. » Et donc, pour Buisson, Castellion, c'est le père de la modernité. Et Calvin, il déteste... Buisson est un protestant qui déteste, en Calvin, cette sorte de d'autoritarisme théologique qu'il estime inacceptable dans la modernité politique, en particulier. Il a raison, Vincent Peillon, de parler de libre pensée religieuse. Apprenez de votre propre conscience à ne pas forcer celle d'autrui. C'est de Castellion. 1870, il n'est pas planqué en Suisse, il rentre en France, puisque c'est la déclaration de guerre. Il serait tenté, à le vous lire, de considérer les communards comme un peu des premiers chrétiens. Oui, il y a chez Buisson, ça a été longtemps un peu occulté, il y a une sorte de compagnonnage de route, depuis la Suisse déjà, avec la Première Internationale. Plutôt d'ailleurs, ce qui seront ensuite les idées plutôt anarchistes que vraiment marxistes. Après tout, il est aussi l'héritier des Républicains de 48, qui considéraient que le Christ avait été le premier des socialistes. Donc il y a ce passage par quasiment l'ultra-gauche d'un Buisson encore jeune, qui lui sera reproché tout au long de sa carrière. Il avait aussi dans un congrès en Suisse, dénoncer le drapeau et considérer que l'uniforme militaire n'était autre qu'une livrée. Alors ça l'a poursuivi, de même qu'une autre formule plus tard a poursuivi Jean Zay, autre protestant pédagogue, tout au long de sa carrière. Oui, vous allez nous expliquer que l'instruction primaire est née de Guizot protestant, puis de Ferdinand Buisson protestant, et enfin de Jean Zay protestant. Ça, ce sont les catholiques de la Troisième République qui le disent. Oui. Il va transférer son libéralisme protestant sur la République. La République a beaucoup de mal à s'établir. Lui est un inspecteur de l'enseignement qu'on planque un peu parce qu'il a justement ses stigmates d'extrême gauche et une sorte de téléchargement. J'emploie des mots modernes parce que je voudrais introduire un texte de Vincent Peillon, ce produit. Le message de Jésus est beaucoup plus accompli par la révolution même socialiste, on va dire, radicale socialiste, républicaine, que par toutes les autres formes. Voilà. Jésus-Christ est, je crois, la figure de l'idéal moral. Autrement dit, les qualités morales de Jésus-Christ, c'est le type humain moral absolu. Il dédivinise Jésus, c'est d'ailleurs lieu à polémique énorme. Mais cet homme-là nous a donné un type moral, comme Socrate par exemple, mais voilà, il nous a donné indépassable. Tout homme peut devenir un Christ républicain. Voilà, si vous faisiez un débat à France Inter aujourd'hui avec Vincent Peillon, qu'est-ce que vous lui diriez à propos de cette interprétation ? Je serais d'accord avec lui, à l'évidence. Et vous avez parlé de téléchargement, ça me paraît très juste, c'est-à-dire que Buisson, il n'est pas le seul, hein, ses compagnons qui vont venir à l'élection d'enseignement primaire sont des gens qui sont passés d'une espérance, qui était l'espérance théologique libérale, dans laquelle ils ont été déçus, et qui ont transféré cette espérance d'amélioration de l'espèce humaine et de la société, qui l'ont transféré dans la République. Dans la République, et pour eux, la terre promise qu'ils ont désespéré de trouver dans leur Église, qui leur a fermé ses portes, c'est la grande querelle entre que l'Église catholique connaîtra aussi, entre les libéraux et les orthodoxes, et du coup, la terre promise pour leur propre trajectoire et pour celle de la société, c'est cette République. Alors, il est l'accompagnateur, l'inspirateur, le commentateur, le continuateur de Jules Ferry en tant que directeur de l'enseignement primaire pendant 17 ans. Charles Péguy disait, il se souvient même plus du nombre d'années qu'il a pu passer à ce poste. On verra comment il est un entrepreneur du chantier laïque dans un instant, parce que je voudrais que vous nous racontiez un autre chantier qu'il a mené à bien collectivement aussi. Vous avez, sur les rayons de votre bibliothèque, un massif de granit. C'est le dictionnaire de pédagogie. En combien de volumes de Ferdinand Buisson ? 4 énormes volumes. Des milliers de pages, des millions de signes. Donc oui, effectivement, 4 volumes de granit, parce qu'ils sont noirs dans la première édition. Et c'est une œuvre collective qui a eu 2 directeurs principaux. Buisson, qui ensuite est devenu directeur d'enseignement primaire, a dû déléguer une partie de ses tâches. Un Suisse, lui aussi d'ailleurs marqué par l'extrême gauche, James Guillaume, qui va venir s'installer en France. Et puis il y a des dizaines de collaborateurs. Et je pense que le dictionnaire de pédagogie, c'est après le Littré et après le Rousse, dont d'ailleurs Buisson a été collaborateur quand il était jeune, c'est le dernier de ces grands massifs encyclopédiques du 19e siècle qui ont d'ailleurs accompagné la montée en puissance de la République, donc le Littré, le Larousse, le Buisson. Alors une excellente éditrice a l'idée de rééditer sous forme resserrée le dictionnaire de pédagogie dans quelques mois, mais on pourrait observer quelques articles. Il y a un article âme. Oui, c'est un dictionnaire qui s'intitule Dictionnaire de pédagogie et d'instruction primaire, mais qui a une grosse curiosité pour tout ce qui est de l'ordre du spirituel, qui ne craint pas de parler à longueur de colonne d'âme, de spiritualité, de Dieu, de prière. Il y a un article Dieu. Il y a un article Dieu, il y a un article prière qui est très long, alors, tenez, et qui est un manifeste. On va marquer une pause, les mots vont venir sur les lèvres, ou alors au bout des doigts. Article prière, commentaire, c'est pas un très bon élève d'origine, de Manitas de Plata. De l'histoire. France Inter, Jean Lebrun. Avec Patrick Cabanel, aujourd'hui nous parlons de Ferdinand Buisson, qui est le maître d'œuvre de ce dictionnaire de la pédagogie où apparaît un article prière. Le morceau qu'on vient d'entendre de Manitas de Plata s'appelle prière aussi. Enfin, prière au pluriel. Alors essayez de nous expliquer quand même, parce que beaucoup de nos auditeurs vont être étonnés, l'élan de l'âme vers Dieu, sanctifié par le père de l'école laïque dans son dictionnaire de la laïcité, pardon, de la pédagogie. Il y a un article laïcité ? Il y a un article laïcité, il y a un article neutralité bien sûr, et pour revenir à l'article prière, il y a deux choses dans cet article. D'abord, il y a un refus clair, très tout à fait, je dirais classiquement laïque, de la prière collective. C'est la laïcité que nous connaissons. Il n'y aura plus dans l'école publique, bien sûr, d'instruction religieuse. Les cours ne commenceront plus par une prière collective imposée à tous. En revanche, et c'est plus long de l'article, Buisson se laisse aller. C'est un article qui est très long. Buisson écrit avec une liberté qui est aussi celle de Larousse. Il explique qu'il y a une prière intime dont aucun homme ne peut se passer, que ce soit une prière vers Dieu, que ce soit une prière vers l'idéal, vers le beau, le bien, mais que un être humain ne peut pas vivre sans cette dimension de prière, ce moment de silence, de méditation, et il laisse entendre qu'une société ne peut pas plus. Et là, je pense que la formule la plus belle, c'est pas celle de Buisson, mais celle de Pecaud, qui est son compagnon qui dirige Normal Sup Fontenay-aux-Roses, qui disait une société ne peut pas vivre seulement, je sais pas, de la courbe du chômage, de celle du commerce extérieur, elle doit vivre aussi d'interrogations sur la vie, la mort, les valeurs, le sens de la vie. Et voilà, une société complète doit garder cette quête, cette inquiétude du spirituel. Et c'est pendant l'article prière. À l'article neutralité, il doit être dit, comme dans les discours de Jules Ferry, neutralité religieuse. Ferry disait, pas de neutralité philosophique, pas de neutralité politique, mais neutralité religieuse. Bien sûr, neutralité religieuse. Dans l'enseignement. Neutralité juridique et collective. Mais il est hors de question d'amputer l'être humain de cette dimension spirituelle, et Buisson le dira tout au long de son œuvre. En revanche, il est clair que la laïcité qui va s'imposer ne le suivra pas très longtemps sur cette voie-là. Oui, parce que vous expliquez que dans l'édition resserrée encore de 1911... moins importante, il n'y a plus tous ces articles. Alors, prière a disparu, mais a été réintroduit en partie dans Dieu. Et puis, la grande nouveauté de l'édition de 1911, le nouveau dictionnaire de pédagogie, c'est Durkheim qui arrive et qui a une toute autre approche, bien sûr, de ce qui fait société. En 1911, Buisson, on aura peut-être le temps de le dire, est devenu un homme politique. Mais j'aimerais qu'on revienne maintenant sur son mandat de directeur de l'enseignement primaire et sur l'aspect entrepreneur du chantier laïque. Bon, alors, il a prononcé beaucoup de discours d'inauguration d'écoles. Il y a d'ailleurs encore une centaine d'écoles qui s'appellent Buisson en France. Mais avant d'inaugurer, il faut construire. Mais c'était pas seulement une affaire de construction des palais de la République qui l'intéressait. C'était une utopie qu'il construisait. Oui. Il y a un rêve de l'école laïque telle qu'il l'imagine. Et qu'une certaine façon, il a contribué à réaliser. Vous l'avez dit dans votre introduction, l'idée de Buisson, c'est que l'erreur commise en 1848, et tous les républicains d'après 70 le savent, on a proclamé la République, mais on n'avait pas pris le temps de faire des républicains. Et donc l'idée, c'est un peu comme la formule là sur l'Italie, une fois que la nation italienne a été faite, il a fallu faire des Italiens. Et c'est donc la disproportion entre les institutions qu'on construit et les mœurs qu'il faut voilà. Éduquer. Pour Buisson, le travail à faire, c'est pas de proclamer du balcon de l'hôtel de ville de la République, c'est insuffisant et c'est même dangereux. Il s'agit de créer des républicains et l'instrument de fabrication du républicain et de la républicaine, c'est l'école, il n'y en a pas d'autre. Pour lui, c'est l'école à laquelle on demande de bâtir durablement la République. Le républicain et la républicaine, parce que, faut le dire, il s'intéressait beaucoup à la coéducation. Très attentif à la question de l'éducation féminine. Et il a défendu le suffrage des femmes. Allez, un petit texte de Ferdinand Buisson, un dernier pour la route. Est-ce qu'on apprend à penser comme on apprend à croire? Croire, c'est ce qu'il y a de plus facile. Et penser, c'est ce qu'il y a de plus difficile au monde. Pour arriver à juger soi-même d'après la raison, il faut un long et minutieux apprentissage. Cela demande des années, cela suppose un exercice méthodique et prolongé. C'est qu'il ne s'agit de rien moins que de faire un esprit libre. Et si vous voulez faire un esprit libre, qui est-ce qui doit s'en charger, sinon un autre esprit libre? Et comment celui-ci formera-t-il celui-là? Il lui apprendra la liberté en la lui faisant pratiquer. Je me rappelle, on avait un inspecteur primaire qui disait « Apprenez-leur vite à lire. Après, ils apprendront eux-mêmes. » Leur apprendre à apprendre. Et c'est ça. Dans le débat de 1880, les cléricaux affirment que mieux vaut ne pas savoir lire du tout que lire de mauvais livres. Les républicains, eux, pense que la première chose est de savoir lire, quand bien même, disent-ils, on devrait apprendre à lire dans le rosaire de Marie. Et il commente, nous croyons à la rectitude naturelle de l'esprit humain. Sans doute aura-t-on reconnu Mona Ouzouf. Cette semaine, on essaye de citer Mona Ouzouf une fois par jour, ou presque. Très bien, c'est une très bonne chose. Alors elle insiste sur l'importance de la lecture dans le rayonnement qui va peu à peu se faire. C'est une sorte d'irradiation de la laïcité. Oui, Buisson a c'est peu connu, mais il a été lui-même avec des amis auteur d'un manuel de lecture, le Comment, qui aurait pu avoir du succès si le magnifique, l'inoubliable Tour de la France par deux enfants n'était pas venu rafler la mise. Voilà. Et il s'est d'ailleurs passionné pour la mise en place de listes, non pas de listes obligatoires, mais de listes de suggestions de lecture, considérant qu'évidemment par la lecture venait la liberté, par la lecture de chacun viendrait la République. Alors, je pense que c'est un peu méchant de dire que les cléricaux préféraient un peuple qui sait pas lire. Là, on est vraiment dans le débat des deux Frances. Il n'y avait pas la même confiance dans la liberté de lecture, mais après tout, là, on retrouve, si vous permettez, le Buisson héritier du sacerdoce universel, c'est-à-dire que l'idée des réformateurs du XVIe siècle, c'est que chacun peut faire son salut seul et ne le fera que par la lecture. Et là, vous parliez de téléchargement, je reprends cette image qui me plaît. L'idée de la République, c'est que le salut doit être d'abord un salut personnel, individuel, et donc chaque élève doit être à lui-même une sorte de république autonome. Donc c'est toute l'idée kantienne, passant par la morale laïque, pour former une cité de sujets libres et autonomes, et quel meilleur instrument que la lecture. L'obligation morale vient ainsi de dedans. C'est la parole que pourrait dire un dieu s'il parlait aux hommes. Voilà, c'est-à-dire c'est la République, c'est une formule de Buisson, la République ne peut être qu'intérieure. Elle est évidemment une forme extérieure, une forme politique et juridique, mais une vraie République ne sera durable, ne sera vraie que lorsque, intérieurement, chacun sera en lui-même une République. C'est l'utopie de l'école de la Troisième. C'est quand même assez différent de l'idée qu'on veut nous imposer aujourd'hui d'une laïcité punitive, tout le monde en rang, bientôt l'uniforme, c'est pas du tout ça. Non, c'est... Alors, je ne sais pas si aujourd'hui on veut imposer une laïcité définitive. L'uniforme, je dirais, a aussi l'avantage de libérer de la domination des marques et des instruments et des signes de la ségrégation sociale. Mais l'idée, c'est quand même de chercher l'individualité dans l'élève. Voilà. Et donc, on est dans une laïcité qui est profondément démocratique et qui se pose donc la question de la spiritualité et qui ne va pas, qui n'est pas encore, à l'époque de Buisson, cette laïcité, je dirais, classique, un peu pur et dur, qu'on a pu voir au XXe siècle. On va pas parler de sa vie politique, il y aurait beaucoup à dire, parce que il a une longévité extraordinaire. Il est mort à plus de 90 ans en 1932. Bon, on n'a pas fait une vie de saint quand même, tout à fait. Ajoutons quelque chose à sa charge. Bon, il a un peu eu du retard à l'allumage dans l'affaire Dreyfus. Très nettement. Il est en retard sur l'affaire Dreyfus et il est très hostile aux congrégations religieuses. Et là, il y a un côté sombre de Buisson qui ne, comme beaucoup d'hommes de sa génération, qui ne comprend pas le modèle congréganiste et qui a mené une bataille très sévère contre la liberté des congrégations religieuses. Alors, expliquons ça. Il est élu député de Paris. Il joue un rôle très important dans la loi de Combes, 1903-1904, c'est l'interdiction aux congrégations religieuses d'enseigner. Après, il y a la loi sur la séparation de l'État, de l'Église et de l'État, 1905, dans laquelle il joue aussi, dans la préparation de laquelle il joue un rôle important. Et là, il dit, c'est un peu contradictoire, il ne faut pas qu'il y ait de monopole de l'enseignement laïque, alors qu'il avait contribué à expulser les congrégations de l'enseignement 2 ans avant. Oui, il y a pas de contradiction. Il est pour, alors il est contre le monopole laïque, il est pour l'existence et l'épanouissement d'un enseignement catholique, mais pas congréganiste. C'est-à-dire des instituteurs comme nous en avons aujourd'hui, des professeurs dans l'enseignement catholique. Ce qu'il reproche aux congréganistes, c'est d'avoir en lui-même aliéné sa propre liberté. Voilà, c'est au nom de la liberté, il n'accepte pas qu'un homme ou qu'une femme puisse même librement renoncer à ses libertés par les vœux perpétuels d'obéissance. Donc c'est quelqu'un qui, au nom de la liberté, de chaque individu, entend refuser cette aliénation de la liberté dans le congréganisme. Il y a un débat qui est anthropologique et philosophique qu'il gagne. Les congrégations religieuses sont interdites d'enseignement en 1904. C'est le départ en exil de milliers d'entre eux. En revanche, en 1905, pour la loi de séparation des églises de l'État, il était favorable à une séparation plus républicaine et plus dure qu'elle n'a été en réalité. Et là, il a été mis en minorité par ses compagnons de majorité, en particulier par Jean Jaurès. Et c'est Jaurès qui a voulu une séparation plus généreuse, plus tolérante, et qui sans doute a eu raison. Puis Jaurès l'agaçait de voir les protestants toujours et partout dans ce combat où ils n'étaient pas les seuls. Voilà, et Jaurès voulait en terminer avec la question religieuse pour venir enfin à la question sociale. Tiens, mais on dirait du Baudouin, mon là. Il y a de ça, je pense qu'il y a un héritage. Prix Nobel de la paix pour son action pour la Société des Nations. Vous savez, on a besoin d'exemples de vertu dans ces temps. Alors, vous pourriez nous raconter ce qu'était la maison à la campagne du vieux sage Ferdinand Buisson à la fin de sa vie. Ah, il a commencé par donner à l'État français la quasi-totalité de la somme du prix Nobel pour en faire une fondation destinée à apprendre le pacifisme aux instituteurs et aux élèves. Et ensuite, il a choisi de quitter Paris et de vivre dans une toute petite maison dont on dit qu'un mur avait été troué par un oiseau. Il avait laissé le trou, puisque oui, l'oiseau l'avait... Avec sa vieille Bible, d'ailleurs. Oui. Je crois qu'il a fini ses jours comme un Saint-Vincent de Paul. On est là dans une longue tradition du sage qui pense que vanité est vanité, tout n'est que vanité, et qui vit dans une sorte de dépouillement extrême à la fin de ses jours. Merci à vous, Patrick Cabanel. Votre livre aux éditions Labor et de Fides, Cise à Genève, Ferdinand Buisson, père de l'école laïque. L'émission a été préparée par Franck Olivard, avec à la réalisation Valérie Aestaraï et à la technique Stéphane Poitvin.